Case number. Scholarship and faculty. For the next, last show. At Hogwarts Quad. You might have asked that too. Ce qui veut dire qu'elle est absente là où elle tient sa place, ou plus exactement de l'objet petit là qui tient cette place. Ôtez cet objet petit là, ni laisse. Tel que je l'accentue, c'est-à-dire la casse-race. Je ne puis témoigner de là, mais de moi, que là naïve de quoi que ce soit. Mais seulement par là, ce qui la concerne. Le parateur philosophe. C'est pas rien. C'est pas mal. Il a servi longtemps à quelque chose. Depuis un temps, il a abouti à produire l'être là. Produit de quoi penser modestement la présence, on y agit ou on y ajoute ou non vivant. Enfin bref, pour les savants, ça s'appelle le Dasein. On a trouvé avec plaisir dans un texte, vous verrez lequel tout à l'heure. Le moment où je l'ai relu, le texte. Je suis aperçu avec surprise que ça date d'une tête de 30 000. J'avais lancé en son temps pour des gens comme ça, un peu durs de la feuille. Mange ton tassail. D'accord. Je vous ai reviendrons tout à l'heure. Le paradigme philosophique n'est pas si un. Il ne l'incarne cette présence, l'être là, que dans un discours, il commence par justement désincarner par l'époque. C'est ça, l'époque. La mise entre parenthèses. C'est simplement ça que ça veut dire. C'est quand même mieux. Parce que ça n'a pas tout à fait recule, c'est tout de même mieux en grec. De sorte qu'il est manifeste que la seule façon d'être là n'a lieu qu'à se mettre entre parenthèses. Nous approchons de ce que j'ai à vous dire essentiellement aujourd'hui. S'il y a trou au niveau de la chose, ça vous laisse déjà ressentir. Que c'est peut-être une façon de figurer ce trou. Ça n'arrive que sous le mode de, prenons une comparaison bien dérisoire, que sous le mode de cette tache rétinienne dont l'œil n'a pas la moindre envie de s'en détruire, il va même pas être fixé le salaire. D'abord, il le promène sur le paysage. qui n'y voit pas son être là, hein, marche de cette œuvre. Pas de paradis philosophique, dont vous sentez bien qu'il ne rentre là que son office universitaire, dont j'ai essayé l'année dernière de vous donner les lignes, en même temps d'ailleurs de définir ce que pourrait faire l'intérieur de la révolution. Dénoncer, comme ça s'est fait, dénoncer comme logocentrisme la dite présence, l'idée, comme on dit, de la parole inspirée, au nom de ceci, de la parole inspirée, bien sûr, on est en vous, mettre la charge de la parole, toute la sortie, vous s'était garé à certains discours et vous emmenez vers une mythique archi-écriture uniquement constituée en somme de ce qu'on perçoit à juste titre, comme un certain point aveugle. On peut dénoncer dans tout ce qui s'est cogité sur l'écriture, là tout ça n'avance guère. On ne parle jamais de d'autre chose pour parler de la chose. Ce que j'ai dit de moi en son temps, pour abuser, n'en met pas plein la bouche de la parole pleine, mais la grande majorité d'entre vous sont entendus d'une certaine façon. En faire état, ce que j'ai dit de la parole pleine, c'est qu'elle rend. Justement, ça, c'est les trouvailles du langage, ça, assez joli toujours. Elle remplit la fonction de la chose, qui est totalement. La parole, en d'autres termes, dépasse le parleur. Le parleur est un parler, voilà, tout de même, ce qui est dans les noms. D'où s'en aperçoit-on? C'est ce que je voudrais ça indiquer dans le séminaire cette année, vous vous rendez compte. J'en suis à je voudrais. Depuis 20 ans, ça dure. Naturellement. C'est comme ça parce que. Je n'ai pas parlé. Il y a longtemps que j'attends. D'abord, parce que vous êtes là, tout le monde. Seulement, voilà, si c'est vrai ce que je dis, votre être là n'est pas plus probant que le mien. Ce que je vous montre, depuis un peu de temps, ne suffit pas pour que vous le voyez. Il faut que je le dise. Démontrer dans l'occasion, c'est dire ce que je montrais. Naturellement, pas n'importe quoi. Mais je ne vous montrerai pas la chose comme ça. La chose, justement, ça ne se montre pas, ça se démontre. Alors, je pourrais vous attirer votre attention sur des choses que je montrerai en tant que vous les avez vues, pour ce qu'elles pourraient. Et bon.

ce qui en constitue. Ce qui reste de témoin de cette époque. Bien sentir, enfin, Quelle drôle de bitume. Il s'agit en l'occasion. Qu'à certains, c'est pour parler la chose. Comment? Quand vous commencez l'interprétation. Ce n'est pas bien sûr du sens que vous allez donner au grand pas. Il y en a un proposé dans l'écrit où il se trouve que je l'ai inséré. Et alors, les sens s'imposent pour les autres. Ne sont pas libres d'un grand écart. Certain, c'est que c'est le propre de ce qui est le fait que je pense. Nous apparaît depuis suffisamment précisé, à savoir que ce grave, celui-là, tous les autres, et pas seulement les miens, mais les autres, en un instant, que ce grave de ta présence, c'est ce qu'on appelle, dans le langage évolué que peu à peu donner le questionnement de la mathématique, la logique, ce qu'on appelle une topologie. Pas de topologie sans écriture. Vous avez peut-être même pu remarquer que si jamais vous êtes vraiment allé ouvrir les analytiques sur Aristote, que là, il y a le petit commencement de la topologie. Ça consiste précisément à faire des trous dans l'écrit. Tous les animaux sont mortels. Et vous mettez à la place le comble de l'écrit. L'invention grecque. chair en passant aujourd'hui ceci. C'est que ça a quelque chose à faire avec le fait, disons, de dire. Voilà, parce que je peux vous jeter ça en passant. Et après, tout ça contrôlé, hein, on va nous aussi pourquoi de temps en temps, je ne sais pas. Même aux gens régalés, d'une certaine manière, ça, les suggestions retireront peut-être parce qu'ils se sont aperçus depuis longtemps. On va pas pourquoi, en effet, ils ne seraient pas aperçus. Ils ne seraient pas aperçus de ceci, en fait, tout ça. Qu'un triangle, c'est pas autre chose, mais rien d'autre qu'une écriture. Ou un écrit. Exact. Et que c'est pas parce qu'on y définit égal comme métriquement superposable que ça va compte. Un écrit, le métriquement superposable est jaspinable. Ce qui dépend absolument pas de l'écrit. Ce qui dépend de vous, jaspinable. D'autre façon, vous écriviez triangle. Même si vous le faites comme ça, ben vous démontrerez l'histoire du triangle isocèle, à savoir s'il a deux côtés égaux, les deux autres angles sont égaux. Il vous suffit de rappeler ce petit écrit. Parce que c'est jamais beaucoup meilleur que la façon dont je viens de l'écrit, la figure d'un triangle. C'est des gens qui avaient des dons pour écrire un travail. On va peut-être aller un peu plus loin. Enfin, pour l'instant, enregistrons ceci, en tout cas. Ceux qui sont très bien aperçus de ce que c'était qu'un postulat. Ça n'a pas d'autre définition. Ceci, c'est que c'est... Dans la demande qu'on fait à l'auditeur, pas tout de suite dire crochet. Dans cette demande, c'est ce qui ne s'impose pas au discours du seul fait du grâce. You know? une extrapolation de rapport à ce que je suis, la bête que je suis. Je veux dire que je vais vous indiquer ben, l'horizon, la visée lointaine qui dit tout ça. Bien sûr, ça ne se justifie que si les lignes perspectives s'avèrent converger effectivement. Eh bien, c'est la suite qui vous le montrera. Au commencement, elle n'a fait, comme ils disent. Il n'a rien à faire avec quelque temporalité que ce soit, ce qu'elle en découle. Et la parole, il y a tout de même bien des chances. Pendant des temps qui n'étaient pas encore des siècles durés, mais du siècle de Gondo. Ce carbone radiant et quelques autres histoires de cette espèce rétroactive qui partent de l'écriture. Enfin, alors, un bout de quelque chose. On peut l'appeler pas le temps, la yaune, hein, la yaune des aïaunes, comme il dit. Le temps se caractérise avec des trucs comme ça. Vous avez bien l'impression que c'était plus près. De la parole a fait des choses. Des choses qui étaient sûrement de moins en moins discernables d'elle. De ce qu'elles étaient, ses effets. Qu'est-ce que ça veut dire, l'écriture? Il est tout à fait clair et certain, quand on voit ce qu'il est courant d'appeler l'écriture, c'est quelque chose. Sur l'habitat de la parole, d'abord je pense, c'est déjà les dernières fois dit chaud. Pour voir notre découverte, what? Let's go! qu'on arrive à écrire de mieux après, mon Dieu, quelque chose que nous appellerons simplement de ce que ça est, comme ça. Le fait d'être parvenu à un certain moment scientifique. Je reviens à l'écrit. La formule de M. Nicol a écrit pour l'instant concernant ce dont il s'agit sous le nom de champ de la gravitation. Qui n'est qu'un pur écrit. Ses sens. tout de suite et nous allons voir. Pourquoi je n'ai pas vu tout de suite pour dire des choses assez sensées sur l'écriture? Il a fallu sûrement pendant ce temps-là faire de sérieux effets d'intimidation. Ils sont juste ceux qui résultent de cette sacrée aventure de la population, c'est... Il n'y a pas un seul entre nous dans cette salle. Mon fils, bien sûr, tu peux avoir la moindre espèce d'idée de ce qui va en arriver. quel qu'il soit, de grâce, de grâce. Si nous étudions une écriture, c'est uniquement en ceci, il n'y a aucune exception. C'est du fait de ce qui a l'air de figurer. Il se prononce comme ça. Du fait qu'il a l'air de figurer le moment avec le dessin, il se prononce, nous. Mais moi, ça, vous en faites tout ce que vous voulez, tout ce qui se prononce, nous. Alors, qu'est-ce que ça peut foutre qu'il ait de tétine, mais qu'il soit votre maman en figure? Nommé, je sais plus comment, un vieux siècle. Ça ne date pas d'hier. C'est ça, à peu près, ça, au début de la 13e. Ça s'appelle le Shorewell. C'est-à-dire, justement, de ce qui se dit en tant qu'écrit. Shorewell, c'est écrit. Voilà. Sachez quand même l'écrire, parce que pour les Chinois, c'est le signe de la civilisation. Et en plus, c'est vrai. Alors, représentation de mots, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le mot était là, là, là. Avant que vous passiez la représentation écrite, avec tout ce qu'elle comporte, qu'elle comporte, c'est ce que le monsieur du Chouen avait déjà découvert. Sort le plus essentiel de l'écriture, ce qu'il appelle, ce qu'il croit devoir appeler, parce qu'il a encore le préjugé, le cher Mignon. J'imagine qu'il y a des signes écrits ici, qui ressemblent à la chose, le mot des signes. Ça, par exemple, il faudrait que j'ai de la place pour que... Ça, hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ce qu'ils en savent, hein, on leur a appris. C'est évident, c'est un homme, ça, pour eux. Hein? Qu'est-ce qu'il y a représenté? Quoi? Je crois que vous l'avez dit, justement. Simplement, ce que je veux dire, c'est en coupe, c'est une image, là. Il y a un famille, ça. Moi, j'y vois plutôt une autre jambe. C'est ça! Mais chose marrante, hein, c'est quand même les successifs depuis les lignes. Et il y a une taille, hein. Et encore, alors là, 2000 ans décrochés, mais d'accord, hein. Mais on a encore de ces signes. Je trouve que quand même, pour l'écriture, à la fois, on les trouve sur des écailles de tortue. Il y avait des gens, des devins, hein, des gens comme nous. Il grafouillait ça comme ça, à côté d'autres choses qui s'étaient basées sur des cailles de fortune, pour le commenter. Et pour le moment de dire, plus les faits, vous croyez, ils ne sont pas capables. Mais, il y a quelque chose, en effet, qui ressemble vaguement. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Je me laisse entraîner, je vais entendre des trucs à lui dire. Je me laisse entraîner quand même. Bon. Alors, il y a quelque chose que vous voyez comme ça qui pourrait bien passer, hein? Ah, c'est bien. Alors, on le suit parce que vous avez l'écriture, ça ne vous lâche pas comme ça du jour au lendemain si vous comptez sur l'audiovisuel. Je voudrais aller pour encore un tout de l'écriture, parce que je vous dis, ben, c'est le support. La science ne peut pas quitter son support comme ça. C'est quand même dans des petits crapouillards que va se jouer votre sort, comme au stand des hymnes. Les petits crapouillards, c'est dans leur peau, c'est tout dans mon genre, hein, c'est un étal. Alors vous le suivez, des spectres par exemple, descendez au-dessus. Eh bien, vous savez, les signes, les portes ont vu des lits, ça c'était un petit. Il avait compris des trucs. C'était un empereur, ça n'a pas duré 20 ans. Aussitôt l'écriture repartait, et d'autant plus soigné. Enfin, je vous passe les formes diverses. C'est absolument superbe, le rapport essentiel de l'écriture, ça sert à l'esprit, au calade. Enfin, je ne veux pas anticiper sur ce que l'instrument, le calade. Et bien, on suit ça, hein? Et puis alors, on joue, qu'est-ce qu'on joue? Mais on ne peut pas du tout celui que vous aimeriez. Cher petit mignon, là, qu'on appelle le grec, prenons bien le prononce mal. En tout cas, je n'ai pas mis le ton, je m'en excuse, mais si un chinois ici. Ils sont très sensibles à ça, le ton. Même si vous, là, une des façons que vous pouvez imiter la parole, c'est que sur les quatre façons courantes, actuellement, ça ne veut pas dire que dans les quatre façons courantes de dire, justement, ça tombe bien, de dire, mais là, ça veut dire quatre choses qui, à la fois, sont différentes, ne sont pas du tout sans rapport. Enfin, je ne vais pas laisser entraîner. Peut-être que vous direz, très souvent, état, quand je me serais bien exercé à la quatre prononciations de qui, il y a qui, il y a qui. Mais ça n'a pas du tout le même sens. Mais je tiens, c'est un homme dans l'effet, que ça tient de la place à la conscience linguistique. C'est-à-dire que le ton lui-même, vous êtes dans ça, parce que vous regardez deux fois, c'est arbitraire. Que le ton lui-même, vous entendez? Que le ton lui-même, alors, indicatif, substantiel. Pourquoi régulier à ça, si elle est l'ordre, beaucoup plus malheureusement, mais l'anglais, dans les effets modulatoires, sont évidemment tout à fait sécurisants, bien sûr, voilà. Je serais tout à fait abusif de dire que ça a un rapport avec le sens. Comme pour ça, pour apporter au mot sens un poids qu'il n'a pas, puisque le miracle, la merveille de quelque chose, quelque autre que du langage, il y a quelque chose à faire. Je veux dire le mot d'esprit, ça repose sur le non-sense. Dios répète, à quelques autres écrits. Dieu était là, délicat. Alors, peut-être que je vais dire que c'est tout de même. Pour rien, j'ai écrit l'instance de la lettre dans la conscience. Je n'ai pas dit l'instance du signifiant, ce cher signifiant latin. On dit quand on veut, mais a bien dûment associé. Oui. Que le rêve soit un rébus, dit Freud. C'est un substitut donné à Cette idée de l'évolution, aboutit, comme vous le savez, aux échelles animales, à cette conscience, caractère. Grâce à ce poil de brillant, de l'éclat, tout ça. Alors, il apparaît dans le monde de la programmation. Enfin, je ne m'emparerai de ce monarque, mais il n'y aurait pas de programmation concevable sans écriture pour faire remarquer d'un autre côté que le symptôme. L'absus, acte manqué, psychopathologique, n'a, ne se soutient. Si vous partez de l'idée que ce que vous avez à dire est programmé, c'est-à-dire à écrire. Bien sûr que si l'écrit n'a pas au lieu de la mère, ça ne fait aucun doute. Il n'y a de l'absus que qu'à la vie, même quand c'est un lapsus. Je suis la langue, c'est pas le seul cas. C'est un petit phallus tout à fait gentiment chaton. Quand elle a à dire quelque chose, ben elle le dit. Hein. J'ai déjà nommé ça, ce bénisse. À la fois le meilleur et la plus mauvaise. Ça veut dire bien des choses. Quoi qu'il en soit, vous m'en parlez si vous voulez. Ça donne l'état de fatigue, vous le sentez certainement. Après m'être tapé les machins sur l'écriture, de vous en moi, parce que je fais ça, hein, je me crois obligé de faire ça. La seule chose que j'ai jamais traité, c'est du surmoi. Je ne suis pas obligé de faire ça. Pour être sûr de choses que ma pierre qui démontre mon expérience quotidienne, non, j'ai du respect pour les saints. La tête d'un qui aurait dégoté quelque chose, là, qui est encore. Une expérience illimitée, si étroite, si courte, si limitée, si cabinet de vie. Enfin, comment ? Quelle était la personne ? Enfin, ça, je dois dire que je peux l'imposer à personne. Mais dans l'ensemble, c'est valide. Il y a un autre truc. Le débat sur les écritures et l'hiéroglyphe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Vous allez, j'espère, vous ruer, et vous ne pouvez peut-être pas le trouver, parce que moi-même, j'ai dû me faire venir de la bibliothèque. C'est une chose qui est de la Bibliothèque Générale de l'École Pratique et aux Études, 6e section, et je vois l'indication SEPPEN, c'est-à-dire que ça doit être une organisation d'édition. Règle du four, pas. S'il te plaît, ça existe. Eh bien, cette ouvrage de Madeleine David, enfin, il faudrait aussi que de temps en temps vous donniez la peine de lire quelque chose. Vous priez, parce que pour ce que je vais achever, que l'écriture, enfin c'est là que j'en resterai pour aujourd'hui, que l'écriture en somme est quelque chose qui se trouve du fait d'être cette représentation de la parole sur laquelle vous le voyez bien Je n'ai pas insisté. Représentation, ça signifie aussi répercussion. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que sans l'écriture, il y aurait des mots. C'est peut-être la présentation qui les fait en tant que mot. Vous vous serez un peu frotté à la langue, vous vous chier en train d'apprendre aussi, là, tout ça. Un effet de choix. Absolument sûr, voilà, c'est un effet de surmoi. Et la langue japonaise. Et là, vous vous apercevrez alors de ce qu'une écriture, ça peut travailler une langue. Et tel que l'effet de cette langue mélodieuse, merveilleuse, souplesse, d'ingéniosité. Quand je pense que c'est une langue où les adjectifs se conjuguent, et j'ai attendu juste avant là. Je regarde ça à ma disposition, c'est vraiment ça que j'ai fait jusqu'ici. Moi, je n'aspirais qu'à ça. Les adjectifs se conjuguent. Et une langue de réflexion. On se dit, c'est merveilleux qu'elle se promène tout seul. Le modèle, là, au milieu. Lui, vous pouvez le changer. Vous lui foutez une prononciation chinoise, tout à fait différente de la prononciation japonaise, de sorte que, quand vous êtes en présence d'un caractère, vous savez, si vous êtes initié, et naturellement, il n'y a que naturel, et ça. Vous le prononcez onyomi ou kunyomi selon les cas qui sont toujours très précis. Vous le dites là et là. Pas question de savoir quel des deux il faut choisir. En plus, vous avez deux caractères. Et si vous les prononcez kunyomi, c'est-à-dire à la japonaise, vous êtes absolument hors d'état de dire auquel de ces caractères chinois appartient la première syllabe de ce que vous dites. Et auquel appartient la dernière, celle du milieu, bien sûr. Bien moins, c'est l'ensemble des deux caractères chinois qui vous dit prononciation japonaise à plusieurs syllabes. Qui répond aux deux caractères à la fois, car vous ne savez pas que ça peut être qu'un caractère chinois. Elle correspond à un principe à une syllabe. Quand vous le prononcez à la chinoise, onyomi, si vous le lisez à la japonaise, vous n'êtes pas encore. Cette représentation de mots se paraît beaucoup plus prononcée ici. Pourquoi je vais vous en apprendre? Je vais vous apprendre beaucoup sur ceci que la langue japonaise a mérité loin de son écrit. Elle s'est nourrie en quoi? Au titre linguistique, bien sûr, c'est-à-dire au point de la linguistique à la langue, c'est-à-dire toujours dans l'écrit. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est naturellement ceci qui saute aux yeux. C'est que si M. Saussure s'est trouvé relativement en état de qualifier d'arbitraire, c'est uniquement en raison de ceci qu'il s'agissait de figuration écrite. Comment est-ce qu'il aurait pu faire sa petite part avec les trucs dessus et les trucs dessous? J'ai évidemment usé et abusé s'il n'y avait pas d'écriture. Je sais que vous vous rappelez, pas que quand je dis qu'il n'y a pas de métalangage, je serais sur vos yeux. Il suffit que je vous fasse une démonstration mathématique. Vous verrez bien que je suis forcé de discourir dessus parce que c'est un écrit. Sans ça, ça ne passerait pas. Si j'en parle, c'est pas du tout du métalangage. Ce qu'on appelle, ce que les mathématiciens eux-mêmes, quand ils exposent une théorologie, appellent le discours quand même, le discours ordinaire, c'est la fonction de la parole. Donc, bien sûr, elle s'applique, non pas d'une façon tout à fait limité, indiscipliné, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, démontré, bien sûr, le langage, c'est là ce dont il s'agit, ce dont on, l'écriture est ce dont il s'agit, ce dont on parle. Il n'y a aucun métalangage dans ce sens où on ne parle jamais du langage qu'à partir de l'écriture. Alors, tout ça, faut dire pour moi, j'espère, ça ne me fatigue pas, quoi, bien. Mais je fatigue quand même un peu. J'en parlais, si vous voulez, pour ça, ici, ce matin, réveillant, avoir eu ma tête d'avis jusqu'à une heure, hein. Je me suis dit que quand même, c'était pas absolument pour rien que les écrits commençaient, c'est la lettre sur la lettre de. La lettre, c'est bien dans un autre sens hein, que celui de l'instance de la lettre sur la conscience, la lettre d'épistole. Chaque fait, en souffrance. Eh bien, lisez ça d'ici là. Parce que ça permettra peut-être de continuer. Ça vous a permis que vous voyez convertir aujourd'hui. De la part, rentrez-vous. Jusqu'à la fin. Thank you.